C'est gros tâche, Léo, le poids Etienne, Tao 91, lance mon tasse, les Ulysses. J'viens fermer des gueules, y'a des M6 qui ouvrent trop. C'est tâche des halls de Paname Sud, pas des bouches du rôle. Juste une mise en jambe, j'ai un petit penchant pour les types pensants et les pistes d'ensemble quand ils kiffent mon son. Best en pilotage, rime au kilogramme, vive comme qui le calme. Décapite l'otage, j'ai du copino de style. J'ai vu des putes ailleurs pour un filet aux fiches. Comme y'en a un tab et j'vais tirer au pif. Bla. B-boy c'est mon hip-hop, pas de crise, cross ni de petite prod dans mes pistes, l'offre que sous Smirnoff. Wow, joue pas les big boss sinon t'es vite mort. Les petits mordent avec les crocs, réveille quand la vie dort. Tête basse, me dis que ce monde est peut-être barge. S'il y a un choc, t'inquiète, j'ai prévu les airbags. Blague, arabe et bab, j'patate les schlags si tu parles mal des tailles. J'ai traversé les murs, agressé les putes, arrêtez le début, j'vais te balancer l'exclu qui fait danser les culs. Boum, ça repart, prêt, feu, partez. J'presse le club flow, presque parfait. M'amène, ramène le taureau dans l'arène. J'vais lui planter le cul, lui défoncer la raie. J'répète, ramène le taureau dans l'arène. Y'a mes potos à l'arrière ou la turco dans ta peine. J'peux dépouiller, pas qu'on pouille massacreur. Ouais, ma couille, quand on parle du loup, on en voit sa gueule. C'est pour mes thugs, yeah. Mes refs, yeah. Mes potos, cette avenue des peuples, yeah. Flow Uchi Kuchi, quand tu danses le boogie boogie. J'fusille comme un Fuji, Mani Uzi comme un Tutsi cousine. Rap, c'est busy busy. Demande à Kizzy, j'milite, faut j'ise, manise. J'ai une physique qui te cuisine, MC. Yeah. Ok, bien ou bien? Alors les gars, ça dit quoi? Normal, ok. Vas-y, j'enchaîne, faut que j'aille kicker avec mon pote au Old Kang au studio. Tire, blah, 91.